Les rails, y complices au service du racolage. Garde les rails, y complices au service du racolage. Complice au service du racolage. Garde les rails, y complice au service du racolage. Oh, oh, oh, oh.